Moi je suis comme Marcel, un éternel enfant. Je lui fais la courte échelle pour qu'il traverse le temps. Je lui dirai les quatre et les droites de certains et les chansons de Capelle que je lui chante en l'entendant. Allez, joue gamin, vas-y, joue dans le vent. Allez, joue gamin, tu auras bien le temps. Allez, joue gamin, laisse encore un instant sur ma joue comme un cèpe sous la jambe. Et que le vent t'emmène, et que le temps t'apprête, ou que le vent te mène. Tu liras les romans de Pagnol, tu sais Marcel, tu en as déjà l'accent. Je ferai que ta vie soit belle, tu fais partie de mon clan. Tu chanteras cette ritournelle un jour peut-être à tes enfants. Allez, joue gamin, vas-y, joue dans le vent. Allez, joue gamin, tu auras bien le temps. Allez, joue gamin, laisse encore un instant sur ma joue gamin, c'est sous la jambe. Et que le vent t'emmène, et que le temps t'apprête, ou que le vent te mène. Choisis pas la plus belle, mais celle qui te plaît vraiment. Et que le...